François Morel, à vous. Quand une série se termine, Nicolas, ça fait drôle, ça fait mal, ça fait chier. On a passé des semaines, des mois, parfois des années avec tout un tas de personnages et soudainement tout s'arrête, tout se fige, tout se brise. On se sent comme trahi, abandonné, perdu, endeuillé quasiment. En mai dernier, la direction de France Télévisions a annoncé l'arrêt définitif de la série Plus belle la vie le 18 novembre prochain. Je propose... que le 18 novembre 2022, ce sera un vendredi, soit déclaré jour chômé et payé double pour les salariés à compter de 3 mois d'ancienneté, ce qui, je le précise, sera mon cas. Plus belle la vie rythmait le quotidien de millions de téléspectateurs depuis 18 ans, quand moi-même j'avais 18 ans, car un jour j'ai eu 18 ans. Né sous De Gaulle, élevé sous Pompidou, affranchi sous Giscard, je ne pouvais imaginer que la France puisse être gouvernée autrement qu'à droite. Une personne née en 2004 ne peut même pas envisager que les soirées sur France 3 puissent commencer ailleurs que dans le quartier imaginaire du Mistral à Marseille, et les téléspectateurs accros aux intrigues de PBLV n'auront que 6 mois, 6 malheureux petits mois, pour tenter de se reconstruire, de trouver un sens nouveau à leur vie, sans le voisinage récurrent, rassurant, réconfortant des Chaumettes et des Frémonts. La fin programmée d'une série si emblématique ne sera pas sans conséquences. Claude Haskolovitch, par exemple, ne s'est jamais tout à fait remis de la disparition traumatisante de la péniche de Christian Barbier. La péniche qui, non Claude, n'est pas le synonyme de Faluche en Auvergnat. La péniche de Christian Barbier, alias Joseph Durtol dans L'Homme du Picardie, et que... quant au petit matin, sifflotant maladroitement la musique de Michel Villard traversant la scène, encore embrumée par les excès d'une nuit, essentiellement consacrée à la débauche, à l'obsédante obscénité, à la turpitude tarifée, Claude pose son regard fiévreux sur une de ses embarcations-logements. Il ne peut s'empêcher de laisser couler sur son vieux visage buriné de voyageur insatisfait revenu de tout, une larme affligée de batelier manqué. Jadis, quand on parlait de saison... Le rimel coule, mes amis, le rimel coule. Jadis, quand on parlait de saison, on pensait aux chaleurs estivales, à la pourpre mélancolie automnale, aux frimas hivernaux, à la renaissance luxuriante du printemps. Aujourd'hui, le mot saison évoque OCS et Netflix. Moi-même, je me prépare lundi prochain à la fin d'un feuilleton qui m'a tenu en haleine depuis des mois et des mois. Oui, le dernier épisode de la série Les élections présidentielles et législatives 2022 sera diffusé dimanche soir en prime time. Souvenez-vous de toutes ces péripéties, manœuvres, tractations, manigances, tous ces coups de théâtre, ce casting hallucinant, ces premiers rôles relégués au rang de figurants, ces seconds couteaux devenus reines d'un jour, ces récurrents, ces guests. Attendons-nous à vivre une dépression car le feuilleton sera fini. Ce sera un véritable désastre si, à partir de lundi, de nouvelles intrigues, de nouvelles histoires n'allaient pas alimenter ce nouveau projet sur lequel travaillent déjà nombre de producteurs, scénaristes, directeur de casting, les élections présidentielles et législatives 2027. Merci François Morel, et je rappelle que vous êtes sur la scène du Théâtre du Rond-Point dans votre spectacle Tous les marins sont des chanteurs jusqu'au 26 juin. France Inter.